dirait même que c'est un bon à rien. Noémie est très jolie, moins que Zoé, mais plus que Nathalie. Anatole, il est frivole, Monsieur Gaston. Pourtant.